Bonsoir. Dans Autant n'emporte l'histoire aujourd'hui, Charlotte Picard, naufragée de la Méduse. Heureux, oui, mille fois heureux, celui qui jamais ne porta ses pas sur une terre étrangère. C'est par ces mots, pas très aventureux, que débutent les mémoires de Charlotte Adélaïde Picard. La jeune fille n'en est fait rien d'une aventurière, quand en juin 1816, à peine sortie de son couvent, elle embarque pour le Sénégal, où son père doit prendre son emploi de greffier notaire. Et pourtant, bien malgré elle, et on comprend qu'elle aurait préféré s'en passer, Charlotte va vivre une des aventures les plus terrifiantes de l'histoire maritime, le naufrage de la Méduse. Ce naufrage près des côtes africaines, dont le scandale n'a hélas rien perdu de son actualité, sera immortalisé par un tableau, le radeau de la Méduse, où Géricault rend justice à tous les anonymes, les sans-grade, la piétaille, qui sous la menace d'une arme fut forcé d'y embarquer, promis à une mort certaine. Charlotte, embarquée elle dans un canot, survivra, mais à quel prix ? Forcément transformée par l'épreuve, après avoir découvert le courage des uns, mais aussi la violence, l'égoïsme, la lâcheté des autres, quand ils sont pris dans une situation extrême. C'est l'histoire de Charlotte Picard que je vais raconter ce soir. France Inter, Stéphanie Duncan, Autant en emporte l'histoire. Marie-Ève Stenuy, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historienne de l'art, archéologue, spécialisée notamment dans l'archéologie sous-marine. C'est sans doute par ce biais que vous êtes intéressée aux femmes et à la mer. On se souvient, vous étiez venue dans cette émission il y a quelques mois nous parler des femmes pirates. Mais vous vous intéressez aussi aux femmes dans les naufrages. Dans votre livre « Une femme à la mer », vous nous avez fait découvrir un personnage oublié, Charlotte Picard. Et c'est vous qui avez écrit la fiction de ce soir. C'est grâce à ces mémoires que vous avez pu reconstituer cette histoire personnelle, individuelle. Oui, Charlotte a raconté toute son aventure, plutôt sa mésaventure, dans un livre qui s'appelle « La chaumière africaine », où elle raconte le voyage, elle raconte ce qu'elle a vécu du naufrage. Elle a été embarquée sur un des canaux, donc elle n'a pas vécu ce qui s'est passé sur le radeau. Elle fait partie d'un autre groupe de naufragés qui ont rejoint assez rapidement la terre, mais qui ont dû marcher pendant des semaines avant d'atteindre finalement par la terre Saint-Louis du Sénégal. Alors, des naufrages, il y en a toujours eu dans l'histoire, il y en a toujours, hélas, hein, pas une semaine sans qu'on apprenne qu'un bateau de migrants s'est abîmé en Méditerranée. Pourquoi le naufrage de la Méduse est-il si connu ? C'est à cause du tableau de Géricault, peut-être ? Le tableau y est pour beaucoup, mais si le tableau a existé, c'est justement parce que déjà à l'époque, ce naufrage était très particulier, assez emblématique. Il faut le remettre dans son contexte historique. On est au début de la Restauration. Oui, 1816, donc la Restauration date de 1815. Voilà, donc l'Empire vient de s'écrouler. Tous les chefs de guerre sont remplacés. On a remis les royalistes à tous les postes de contrôle. C'est ce qui s'est passé sur la Méduse. Le commandant est un ancien commandant qui n'a pas navigué depuis 20 ans, c'était un de ces aristocrates qui était en exil pendant l'époque napoléonienne. Et ensuite, il y a les circonstances atroces. On va entasser sur ce radeau un nombre de personnes vraiment supérieur à sa capacité. Et ce sont des gens, bien sûr, qui ne sont pas volontaires pour embarquer sur ce radeau, qui flottent à peine au lieu d'embarquer dans les canaux de sauvetage, dont certains ne sont pas entièrement remplis. Et on a à bord des gens extrêmement différents. On mélange des soldats, des officiers, des sous-officiers. Et il faut savoir que parmi les troupes qui étaient embarquées sur la Méduse, la plupart de ces soldats sont des gens qui ont combattu dans les campagnes napoléoniennes, donc qui sont quand même au fond de leur cœur encore bonapartistes. Et oui, partisans de la Révolution éventuellement. Également. Et se trouvent du jour au lendemain dirigés par des royalistes, par des officiers aristocrates dont certains avaient quitté la France quand le vent ne tournait pas bien pour eux. Donc ça vient s'ajouter en plus des clivages sociaux, bien entendu, et les conditions mêmes de cet embarquement, trop de monde, pas de nourriture, le radeau abandonné, comme on reviendra sur le sujet. Ça a été vraiment terrible. Il y a eu très très peu de survivants et ça a vraiment frappé beaucoup l'opinion publique à ce moment-là. Marie-Ève Stenuy, je propose que nous poursuivions cette discussion dans une trentaine de minutes. Tout de suite, Charlotte Picard, Naufragé de la Méduse, un texte de vous, Marie-Ève Stenuy, écrit spécialement pour Autant n'emporte l'histoire. La réalisation est signée Sophie Aude Picon. Enfin, on arrive. Ça va faire du bien de descendre de ce fiacre et de se dégourdir les jambes. On devine déjà l'odeur de la mer. J'ai hâte d'y être et d'embarquer sur ce bateau. Il a un drôle de nom, la Méduse. Ouh. Qui a eu cette idée? Pour être honnête, ce voyage me fait un peu peur. Une angoisse au creux de l'estomac. Comme un pressentiment. L'excitation, sûrement. Le mal du voyage? Allons, j'ai confiance en mon père. Il nous a dit tellement de bien de l'Afrique et il a l'air si heureux d'y retourner. Mais n'empêche, le Sénégal, ça paraît loin quand on n'a jamais quitté Paris. Oh, des bleuets et des pavots. Toinette, tu viens cueillir des fleurs avec moi? Un petit souvenir de la campagne française. 12 juin 1816, près de Rochefort, sur les bords de la Charente. D'un fiacre poussiéreux vient de descendre Charlotte Picard, une jeune Parisienne de presque 18 ans. Elle est la fille aînée de Charles Picard, qui s'en va prendre ses fonctions de greffier notaire à la colonie de Saint-Louis du Sénégal, accompagnée de sa nombreuse et hétéroclite famille. Charlotte et sa sœur cadette, nées toutes deux de son premier mariage, trois petits métis qu'il a eus en Afrique lors d'un précédent séjour, avec diverses femmes de couleur, avoue-t-il sans embarras, et qu'il aime et traite à l'égal de ses autres enfants. Sa seconde femme, une Française, veuve comme lui, plus leur tout jeune bébé, et enfin Antoinette, la cousine de Charlotte. Soit 9 personnes en tout. Un joyeux clan qui ne passe pas inaperçu auprès des autres voyageurs, déjà massés sur les berges du fleuve. Charlotte! Charlotte! Venez vous occuper des petits pendant que je surveille l'embarquement des bagages. Oui, père. Ah ça, en voilà une famille remuante. Quel raffut. Oh, on s'habitue. Et vous, vous n'avez pas de frères et sœurs, mademoiselle? Schmalz, Elisa Schmalz. Je suis la fille du nouveau gouverneur du Sénégal. Et non, heureusement, je n'ai pas à supporter de marmots autour de moi. C'est dommage. Et ces négrillons qui vous suivent partout, ce sont les enfants de vos domestiques? Mais non, ce sont mes demi-frères. Rien de plus amusant qu'une grande famille, vous savez. Si vous le dites. Vous êtes? Oh pardon, je ne me suis pas présentée. Charlotte Picard. Et sur quel bateau allez-vous embarquer? Sur la Méduse. Tiens, comme moi. Eh bien, nous aurons l'occasion de faire plus ample connaissance. Peut-être. Dînerez-vous à la table du capitaine? Les passagers sont conduits à la rade de l'île d'Aix, où les attend la flotte de l'expédition du Sénégal. Le comptoir de Saint-Louis du Sénégal a été restitué à la France par les Anglais quelques mois plus tôt, après la chute de Napoléon. Louis XVIII a ordonné l'envoi d'une flotte chargée d'y conduire le nouveau gouverneur, le colonel Schmalz, avec un corps de troupes armées. Sa mission est de reprendre possession officiellement de la lointaine colonie. La flotte est composée de 4 navires, la flûte La Loire, le brick Argus, la corvette L'Écho et enfin la frégate La Méduse, le navire amiral. Les vents favorables se font attendre. Puis enfin, le 17 juin, à 4 heures du matin, la flotte met à la voile. Et voilà, notre belle terre de France s'éloigne. Mon cœur se serre un peu. Je pense à vous, maman, en caressant ce petit bouquet de fleurs des champs qui se fane déjà sur ma poitrine. Qui ira fleurir votre tombe à présent? Vous me manquez, même si la seconde mère que Père nous a donnée est la plus adorable des belles-mères. Votre trait s'efface peu à peu de ma mémoire. Et si je ne me souvenais plus de votre visage en arrivant en Afrique? Ça va, Charlotte? Tu es toute pâle? Oui, oui, Antoinette. Je pensais à ce qui nous attend là-bas, si loin. Si j'en crois ton père, ça va être formidable. Il y a tant à faire dans les colonies, semble-t-il. Apporter la civilisation, bâtir, enseigner aux indigènes, cultiver des plantes inconnues. Et observer pour apprendre, ajoute toujours papa. Je suis curieuse de voir comment ils vivent vraiment en Afrique. Père nous en a tellement parlé. Je suis sûre qu'on aura la belle vie. Il paraît que, là-bas, tout le monde a des domestiques. Oui, c'est ce que Mademoiselle Schmaltz m'a laissé entendre. Tu verras, on sera mieux qu'à Paris, dans notre ennuyeuse pension. En tout cas, mes frères se réjouissent à l'idée de retrouver leur pays. Moi, par contre, j'ai toujours cette boule au ventre qui ne me quitte pas. J'ai pas dormi de la nuit. Ça, moi non plus. On est les uns sur les autres dans cet entrepont qui pue, à écouter les paix et les ronflements des voisins. Oui, ça doit être ça. Ou alors c'est... C'est le mouvement de ce bateau, c'est... La frégate, la Méduse, sortie 6 ans plus tôt des chantiers Crucy de Paimbœuf, vient d'être carénée de neuf et aménagée tout spécialement pour sa mission du Sénégal. Outre l'équipage et les passagers, commerçants, fonctionnaires et scientifiques, le navire transporte 2 compagnies de soldats, soit près de 400 personnes. Pour héberger tout ce monde, on a débarqué près des 2/3 des canons. Dans l'espace ainsi libéré, on a installé des cabines de fortune entre des toiles tendues. Le confort est sommaire. Plus inquiétant, des rumeurs courent depuis le départ à propos du capitaine, Hugues Duroy de Chaumaret, un ancien officier de la marine royale qui, murmure-t-on, n'a plus navigué depuis 20 ans et devrait son poste à ses opinions royalistes plus qu'à ses compétences. 3 semaines plus tard, cependant, après une escale à Tenerife, la flotte atteint le tropique du Cancer sans encombre. Comme l'air est chaud tout à coup? Nous devons approcher terre. Oui, monsieur. Même qu'en y regardant bien, on devine les côtes du Sahara. Là-bas, au loin. On distingue quelque chose, en effet. Que le soleil est haut. On dirait qu'il est suspendu juste au-dessus de nos têtes. Vous n'avez pas assisté à la cérémonie du passage du tropique avec les autres passagers? Non, merci. J'ai déjà été baptisé, une fois suffit. Ça semble beaucoup amuser le capitaine de jeter de la farine partout, déguisé en Neptune. Mais il ferait mieux de se concentrer sur sa navigation. Je ne comprends pas sa route. C'est la 3e fois que je fais la traversée et jamais on ne s'est approché autant de la côte. On ne doit pas être loin du fameux banc d'Arguin qu'on dit si dangereux. Je suis d'accord avec vous, monsieur. Et on n'est pas les seuls. Foi de vieux gens. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais l'écho qui nous suivait de près, lui, il a viré de bord depuis hier. La moitié des officiers est d'avis qu'on s'approche trop. Mais le capitaine, il veut rien entendre. Il en a même mis 2 aux arrêts parce qu'ils insistaient pour changer de route. Alors moi... Je la ferme. Je suis qu'un vieux marin, après tout. Il n'y a pas que l'air qui n'est plus le même. Regardez l'eau comme elle est claire tout à coup. On voit même des algues et des poissons. Le 2 juillet 1816, à 3h de l'après-midi, la Méduse s'échoue, à marée basse, par temps calme, sur le banc d'Arguin, au large de l'actuelle Mauritanie. Une barrière de récifs dont la position et les limites exactes sont encore mal définies sur les cartes de l'époque. Des émeutes éclatent aussitôt, dirigées contre l'incompétent commandant Chaumaret. Le manque de confiance et l'atmosphère délétère rendent difficile le maintien de la discipline, au point que la troupe doit intervenir. Les différentes tentatives de désensablement du navire échouent les unes après les autres. La Méduse est définitivement immobilisée. L'anarchie règne. Charlotte se réfugie un moment à la poupe, un endroit plus calme, où se situent les cabines des officiers et des passagers de marque, parmi lesquels la famille Schmaltz. Que nous arrive-t-il? Nous voilà à la merci de ces gens qui n'en font qu'à leur tête, sur un vaisseau dématé, brisé et à demi submergé. Même la mer est devenue sinistre, noire comme la nuit, prête à nous engloutir. Je commence à regretter Paris et la pension. Tiens, Charlotte Picard. Qu'est-ce que vous faites là? Je peux. Ce ne sont pas vos quartiers? Ah, Elisa, je cherchais un peu de tranquillité au milieu de tout ce chaos. Je vous comprends. Mieux vaut se tenir à distance de la populace et de cette racaille de soldats bonapartistes qui ne pensent qu'à se saouler et à nous voler au lieu de se rendre utiles. Bon, ce n'est pas eux qui me font peur. C'est le manque de poigne et l'indécision du capitaine. Qu'est-ce qu'il attend pour faire quelque chose? On ne peut pas rester là. Ne vous inquiétez pas. Oubliez Chaumaret. Mon père se charge de tout. Il vient d'avoir une idée de génie. Les 6 embarcations de sauvetage dont dispose la Méduse ne peuvent suffire à évacuer tout le monde. Alors le gouverneur Schmalz dessine les plans d'un radeau. Il envisage d'y embarquer non moins de 200 hommes et de le faire remorquer par les autres esquifs, reliés entre eux en une grande chaîne solidaire pour rejoindre la côte, distante d'une 50aine de kilomètres seulement. Ensuite, on formera une caravane et on marchera le long de l'océan, vers le sud, en bordure du désert, jusqu'au Sénégal. Les travaux commencent aussitôt. Au cours des jours suivants, la mer se fait de plus en plus houleuse. Lorsque le gouvernail de la frégate cède sous la violence des vagues et que la quille malmenée se brise en deux, l'abandon du navire est imminent. Ils deviennent tous fous. En voilà un qui coud son or dans sa doublure. Pas malin ça, s'il tombe à l'eau. Celui-là balance ses bagages par-dessus bord, sans doute pour qu'on ne les lui vole pas. Complètement ridicule. L'autre brûle ses affaires sur le pont. Il ne manquerait plus qu'un incendie. Et ce marchand qui distribue son stock de bas et de chemises. Pendant ce temps, les marins pillent les malles abandonnées. Ne restez pas là, mademoiselle. C'est dangereux. Il n'y a vraiment personne pour les arrêter, lieutenant? Pourquoi n'intervenez-vous pas? Parce que je n'en ai pas reçu l'ordre. Il y a longtemps que le capitaine a perdu le contrôle de la situation. S'il l'a jamais eu. Et il est où, au fait, le capitaine? Ça fait un moment qu'on ne l'a pas vu sur le pont. Le voici, justement, avec Schmalz. Venez. Le gouverneur est en train de lire la liste de répartition des passagers dans les embarcations. Mais quelle mouche pique mon père? Menacer Monsieur Schmalz? Où a-t-il trouvé ce fusil? Quoi, embarquer sur le radeau avec la troupe? Ma femme et mes enfants sur cette machine mal ficelée où il n'y a pas de place pour s'asseoir et rien pour se tenir. Et si lourde qu'elle s'enfonce dans l'eau sans même personne dessus. Aucun membre de ma famille ne posera le pied là-dessus, monsieur. Je le jure devant Dieu. Doucement, ôtez ce fusil de la poitrine de monsieur Schmalz et je suis sûr qu'il va vous trouver une solution. N'est-ce pas, gouverneur? Oui, bien sûr. Disons, voyons, avec moi dans le canot-major. Ça vous irait, Picard? Oui. Lieutenant, pourquoi pas avec le gouverneur dans la chaloupe? Elle est grande, il reste des places et nous serions avec son épouse et sa fille. Ce serait plus rassurant. Nous sommes les seules autres femmes à bord et les seuls passagers à avoir des enfants. Justement, n'insistez pas, mademoiselle. J'ai entendu les dames Schmalz parler au gouverneur. Elles refusent de s'embarrasser de votre encombrante et colorée famille. Oh, madame Schmalz, mademoiselle Elisa. Ça suffit, Charlotte. Dépêchons-nous d'embarquer avant que le canot du lieutenant parte sans nous. Il est presque plein. Charlotte, Caroline, Toinette, prenez chacune un des petits. Votre mère et moi nous occuperons du dernier. Hâtez-vous! Descendez l'échelle! Oui, père. Oui, mon oncle. Malgré la liste imposée par le gouverneur Schmalz, l'évacuation de l'épave se déroule dans le plus grand désordre. Sur le radeau, où les infortunés occupants descendent sous la menace des fusils, les hommes ont de l'eau jusqu'aux genoux. La chaloupe du gouverneur et le grand canot du commandant Chaumaret ne sont par contre qu'à moitié remplis et leurs occupants ont emporté tous leurs effets personnels en totale contradiction avec les ordres donnés. Pour ajouter à la confusion, à peine les esquifs se sont-ils regroupés que l'amarre du grand canot du gouverneur, le seul à être directement relié au radeau, est coupée. Schmalz prétendra qu'elle a rompu. Plusieurs témoins affirmeront au contraire qu'elle fut larguée sur son ordre. Quoi qu'il en soit, le radeau est alors irrésistiblement entraîné vers le large, tandis que les 6 autres embarcations partent chacune de leur côté, à grands coups d'aviron, et ne tardent pas à se perdre de vue. 2 jours qu'on a abandonné la Méduse, et on n'a reçu qu'un tout petit verre d'eau avec un demi-biscuit trempé d'eau de mer. C'est tellement mauvais que je n'ai même pas pu l'avaler. Je le regrette bien maintenant. Non seulement il n'y a rien d'autre, mais aujourd'hui, on n'a plus droit qu'à un quart de portion. Demain, ce sera un huitième. Et puis, j'en arriverai à souhaiter que certains tombent à l'eau par hasard. Vous tenez le coup, mademoiselle Charlotte? Vous tremblez? Ah, vieux Jean. Je suis contente que vous soyez avec nous. Ça doit être la faim qui me fait trembler comme ça. Ou mes propres pensées. Je me fais presque peur. Courage. Santé. Il y a le vent qui vient de terre. On n'est pas loin. Moi, je n'ai pas réussi à fermer l'œil. Il y a de plus en plus d'eau dans le fond du canot. On a beau se serrer les uns contre les autres, on a grelotté toute la nuit. Les enfants sont terrorisés. Ils n'arrêtent pas de parler de monstres marins et... Donnez-moi ça, Picard! Donnez-moi ce couteau, bon Dieu! Mais laissez-moi! Mais laissez-moi donc! Vous le voyez pas? Mon bébé est à bout de force! Il n'a même plus la force de pleurer! Il faut que je lui donne du sang! Lâchez-moi! Lâchez! Rendez-moi mon couteau! Allons, reprenez-vous! Vous saignez ne servirez à rien, sinon à vous affaiblir un peu plus! Il a raison, père! Je vous en prie, on a tous besoin de vous! Gardez vos forces! Dites donc, la demoiselle Antoinette, elle a raison. Il y a vraiment beaucoup d'eau dans ce canot. Poussez-vous un peu, là, sur votre esprit. Un créneau. Voilà qu'on a une voie d'eau. Et une grosse. Hein. On va pas avoir assez d'étoupes et de suif. Hein. Faut trouver du tissu pour colmater. Récoltez tout ce que vous pourrez. Tenez. Voilà mon jupon. Donne ton châle. Toinette, donne ton châle. Oui, tiens. Caroline, ton corsage. Mère, votre bonnet. Père, une manche de chemise, quelque chose. Ça va pas tenir longtemps. Hein. Ce qu'il faut, c'est débarquer au plus vite. Et tant pis pour les récifs et les sauvages. D'accord, vieux Jean, va pour la terre, avant qu'on ne perde tous la tête. Vite, les sauvages. Ce ne seraient pas eux qui s'agitent là-bas, sur le rivage? Mais c'est pas des sauvages, c'est des blancs. Il y a d'autres rescapés. Ils nous font signe de venir les rejoindre. Oui, mais comment? C'est plein de brisants par ici. Par là, là-bas. Il y a comme un passage. On tente le coup, c'est maintenant ou jamais. À vos ordres, lieutenant. Il faut virer ce mât par-dessus bord. Les voiles et tout ce qui peut gêner à la manœuvre. Et tous aux avirons. Un dernier effort. On va y arriver. Souquet! Souquet! Plus fort! Encore! Attention! Accrochez-vous! Une centaine de naufragés de la Méduse sont à présent réunis sur le rivage. Certains, débarqués plus tôt et plus au nord, marchent déjà depuis 3 jours. Les retrouvailles sont chaleureuses. On craint moins les morts parce qu'on est en nombre, mais les vivres font défaut. Le lendemain, sous un soleil de plomb, la colonne se met en route vers le sud. Sur l'insistance de Picard, toujours soucieux de sa famille, on a convenu de placer les femmes et les enfants en tête afin d'être sûr de ne perdre personne en route. Certains en viennent à souhaiter qu'on les abandonne à leur sort, d'autres prennent leur défense. Il faut l'intervention d'un capitaine d'infanterie et un bon sermon sur l'honneur français pour rétablir l'ordre. À la tombée du jour, on s'écarte de la côte à la recherche d'une source. Une pause enfin. Mes jambes, mes pieds ne sont plus que des plaies. Et cette jupe déchirée, pleine de sable mouillé qui me bat les mollets et s'accroche partout. Quelle sotte j'ai été de refuser les pantalons que nous proposaient les officiers. Ce n'était pas le moment d'avoir des coquetteries de parisiennes. Père m'avait prévenu que l'Afrique aurait des choses à m'apprendre, mais je ne pensais pas à ce genre de leçons. Combien de jours déjà que nous marchons? Je préfère ne pas compter. Il faut creuser le sable pour trouver de l'eau, mademoiselle Charlotte. Comme ça... Vous voyez? Ah, vieux Jean, oui. Oh, merci. Mais elle a une drôle d'odeur, votre eau. Ça sent le soufre. Et une drôle de couleur, on dirait du petit lait. Vous êtes sûr qu'on peut la boire? Y a pas meilleur à la ronde, vous pouvez me croire. Alors, comment vous la trouvez? Délicieuse. On ne pouvait rêver mieux pour arroser un dîner au clair de lune. Avec des vieilles pattes de crabe ramassées sur la plage et quelques feuilles de pourpier. Dire que père me vantait la flore d'Afrique. Je ne vois que des broussailles, des plantes vénéneuses et des lianes tellement amères qu'on ne peut même pas les manger. Des fauves! C'est l'eau où ils viennent boire. Charlotte, vite! Avec les autres, derrière cette colline. On ne bouge pas de là tant que les rugissements ne se sont pas éloignés. Le troisième jour de marche, les naufragés tombent sur un campement arabe. L'accueil est d'abord méfiant. Puis soudain, s'avance un homme qui vient se planter devant Charles Picard. Mais c'était quoi comme nom? Monsieur Picard? Vous êtes bien Monsieur Picard? Oui. À qui ai-je l'honneur? C'est Ahmet, Monsieur Picard. Ahmet, j'ai travaillé pour vous à Saint-Louis, vous vous souvenez? Avant les Anglais. Vous ne me reconnaissez pas? Mon Dieu, Ahmet l'orfèvre! Mais oui, bien sûr je te reconnais. Excuse-moi, mais je ne m'attendais pas à te rencontrer ici. Ah ça, moi non plus, Monsieur Picard. Par Allah! Qu'est-ce que vous faites là? Vous venez d'où comme ça? Et qui sont tous ces gens? En quelques mots, Picard lui résume la situation et demande à son ex-employé de l'aider à se procurer de la nourriture. Après une discussion animée avec les femmes du camp, Ahmet revient avec de l'eau et du millet cru. 30 sols la poignée de millet cru et 3 francs le verre d'eau. On a le sens des affaires par ici. Il est vrai que nous ne sommes pas en position de discuter. Heureusement que j'ai pensé à emporter ma bourse. Je n'ai pas pu faire mieux, Monsieur Picard. Allah m'en est témoin. Il n'y a pas grand-chose par ici, vous savez. Il faut les comprendre. En tout cas, ça, c'est vraiment de l'eau, père. Elle vaut bien son prix, ne regrettez rien. Merci, Monsieur Ahmet. Vous avez raison, Charlotte. Mais de l'eau et du millet, on ne peut rien trouver de plus solide. Il y a bien une femme qui a proposé 2 chevreaux. Combien elle demande? 200 francs. Soit, mais découpé et cuit. 2 chevreaux, ça fait beaucoup, père. C'est une grosse dépense. Certes, sauf si j'arrive à convaincre les autres de partager les frais. Comme ça, il y aura de la viande pour tout le monde. On en a tous besoin. Mmh. 2 heures plus tard, autour du feu, on parle peu et on mastique ces petites bouchées de chevreau grillé avec application. Tout le monde a cotisé, père? Oui, sauf un capitaine. Et pourtant celui-là, il a un rouleau de pièces d'or cousu dans sa poche. Je l'ai vu. Toujours les plus riches, les plus avares. Et oui, mais il a reçu sa part quand même. Soyons meilleurs que lui. Ça va nous redonner des forces, et demain, les hommes du camp nous guideront jusqu'au Sénégal. Vous faites confiance à ces sauvages, Picard? Pas à tous, lieutenant, mais à ceux que je connais, oui. Et Ahmet en fait partie. Justement, le voilà. Tenez, du lait pour vos enfants. Oh, merci, mais je ne crois pas être assez riche pour rajouter ça au menu. Vous m'offensez, Monsieur Picard. Ce lait vient de mes chèvres, et c'est mon plaisir de le partager avec vous. Je suis aussi venu vous dire que j'ai préparé un abri pour votre famille. Allah ne permet pas que nous, musulmans, partagions notre tente avec des chrétiens, mais vous y serez aussi bien que sous la nôtre. Vous voyez, lieutenant, il est de bonnes gens partout, finalement. Sauf sur un certain canot. Sous un abri tendu de peaux de bœuf et de chameau, Charlotte s'apprête à passer, pour la première fois depuis le naufrage, une nuit sereine et paisible. J'avais presque oublié ce que c'est que d'avoir un toit au-dessus de la tête. Quel luxe, ça me semble, tout à coup. C'est doux, ces peaux de mouton par terre. Les enfants se sont endormis tout de suite. Moi aussi, je me sens mieux. Même cette odeur de bête me plaît. Je ne l'échangerai pas contre le meilleur parfum de Paris. En tout cas, pas ce soir. Mais si Charlotte et les siens s'endorment en paix, d'autres, moins confiants, se rongent d'inquiétude. Et si ces sauvages ne les avaient conduits dans leur camp que pour mieux les détrousser? si les cris, supposés éloigner les lions des troupeaux, n'étaient que des signaux pour appeler des renforts en vue d'égorger tout le monde avant le petit matin. Les efforts de Picard pour rassurer ses compagnons sont vains. La décision est prise de quitter le camp sans attendre l'aube. La caravane se remet en marche. Vers midi, la chaleur implacable crée des mirages sur le sable et fait scintiller l'océan d'une lumière éblouissante. Soudain... Regardez là-bas ! Une voile ! Il y a un bateau près de la côte ! Il remonte vers le nord ! Sacre Dieu, mais on dirait un pavillon français. C'est bien un français. C'est un brick, je le reconnais. C'est l'Argus qui est parti de Rochefort avec nous. Il a dû arriver à bon port et s'étonner de notre retard. Il est à notre recherche. Allez, agitez vos chemises, accrochez des mouchoirs, vos fusils, faites des signes, criez, sautez, faut qu'il nous voit. Ouais, on parle ici. Ça y est, il nous répond. Il nous a vus. Mais il ne va pas pouvoir faire grand-chose pour nous. Il ne peut pas approcher avec ses récifs. Ni même mettre une chaloupe à l'eau. Ça alors ? Il y a quelque chose qui est tombé par-dessus bord ? On dirait des tonneaux. Et qu'est-ce qu'ils font, nos amis morts ? Ils se jettent dans les vagues ? Ils vont les chercher ? Au milieu de tous ces rochers ? Ah, mais ils nagent drôlement bien. Quel courage ! J'espère que ça va clouer le bec à certains. Allez, allons les aider à sortir ces barriques de l'eau et voyons ce qu'elles ont dans le ventre. J'espère qu'il y a plus que dans le mien. Les barriques contiennent des biscuits, du vin, de l'eau de vie et même un fromage de Hollande. Rassasié par les vivres largués par l'Argus et toujours avec l'assistance amicale des morts, la caravane reprend sa route. Au fil des jours, la fatigue se fait de plus en plus sentir. Qu'est-ce qui se passe ? Où sont les autres ? Il n'y a plus que père, belle-maman et moi. Et ils dorment tous les deux. Ah oui, ça me revient. Ils ont voulu se reposer. Je suis restée avec eux pour faire le guet, mais j'ai dû m'endormir aussi. C'est malin, quelle idiote. Mon Dieu, encore des morts. Je rêve ou c'est la chaleur qui me tape sur le crâne ? Père, mère, réveillez-vous. Je crois que je vais m'évanouir. Charlotte n'est pas victime d'une hallucination. Ces hommes, montés sur des chameaux, sont envoyés par le gouverneur anglais du Sénégal, Thomas Brereton. Il a été informé du naufrage de la Méduse par le capitaine de Chaumaret et le gouverneur Schmaltz, arrivés ensemble sains et saufs à Saint-Louis, dans leur grand canot, au bout de 3 jours de navigation. Il a aussitôt expédié un petit détachement à la rencontre des survivants. Quant au gouverneur Schmaltz, sa priorité a été d'envoyer l'Argus à la recherche de l'épave de la Méduse afin de récupérer ce qui était encore possible. L'aide aux naufragés lui a paru secondaire. Ainsi, c'est à l'initiative personnelle de son capitaine que le brick français a longé la côte afin de tenter de repérer d'éventuels rescapés. C'est aussi par le plus grand des hasards qu'il croisera, 6 jours plus tard, la route du tristement célèbre radeau, sur lequel ne se trouveront plus que 15 survivants sur les 150 passagers initialement embarqués. Ce soir sera un jour faste. Après plusieurs jours de diète, les hommes ont réussi à ramener un bœuf. Un camp est établi à l'orée d'un petit bois de gommiers et on allume de grands feux. Est-ce cette fièvre qui ne me quitte plus ou le délire de la faim ? L'obscurité, le bruit des vagues, les rugissements des bêtes féroces, tout ça me paraît soudain irréel. C'est étrange. Tout ce monde assis autour des grands brasiers, un morceau de viande au bout d'une pique, la lumière des feux se reflète sur les visages hâlés, amaigris, barbus. On dirait un tableau de David ou de Giraudet, comme on en voit à l'académie. Il est loin le temps des salons et des galeries. Si on exposait un tel tableau à Paris, les spectateurs seraient bien étonnés. Quoi ? Certains de ces demi-sauvages sont nés sur les bords de la Seine ? Pas sûr que maman me reconnaîtrait. Tenez, mademoiselle. Prenez-en un peu. Quoi, vieux Jean? Un peu de votre botte? Allez-y, mademoiselle, buvez. J'ai rien trouvé de mieux pour transporter l'eau. Mais la secouez pas et buvez pas tout. Hein. Il y a de la boue dans le fond. Pas mal du tout, ce vase élastique. Et prenez ça aussi, vous allez tourner de l'œil. Un soulier, à présent? Je vous ai gardé un bout de viande. Vous vous êtes endormi pendant la distribution. C'est votre part. Merci. La viande est un peu cuite, mais ce petit fumet, cet arrière-goût particulier de semelle usagée, n'est pas pour me déplaire. Je me trompe ou la cuisine dans ce voyage s'améliore de jour en jour? Pourquoi riez-vous, vieux Jean? Enfin, le 13 juillet 1816, 11 jours après l'échouage de la Méduse, la caravane aperçoit au loin la ligne verte du fleuve Sénégal. On ne marchera plus, on attendra là, tandis que le lieutenant anglais, accompagné de deux officiers de la Méduse, va annoncer leur arrivée et chercher des canots pour ramener les naufragés. Quelques heures plus tard, tout Saint-Louis se presse sur le port pour les accueillir. Mon Dieu, quelle foule! J'ai la tête qui tourne. Tous ces gens pêle-mêle. Indigènes, européens, même des esclaves nègres, on dirait. Et ce bel homme qui descend de cheval, ça doit être le gouverneur Brereton. Mais pas de Schmaltz ni de Chaumaret à l'horizon. Décidément, lâche jusqu'au bout. J'espère qu'un jour ils devront rendre des comptes, ces deux-là. Enfin, oublions ces misérables. Réjouissons-nous et regardons vers l'avenir. Je ne sais toujours pas bien ce qui nous attend ici. Mais Saint-Louis du Sénégal, tiens-toi bien. Charlotte Picard est enfin arrivée. Charlotte Picard, naufragée de la Méduse, de Marie-Ève Stenhuy, avec Charlotte Picard, Charlotte Dessert, Charles Picard, Bruno Forget, Antoinette, Aurélie Reinhorn, Vieux Jean, Thomas Dalle, Elisa Schmalz, Élise Aubé, l'officier Lapéraire, Bastien Bouillon, Ahmet, Yoli Fuller, et les voix de Clément Carabédian, Roland Dujardin et Annelise Quesdès. Bruitage Bertrand Amiel, prise de son, montage et mixage Bernard Laniel et Manon Houssin, assistante à la réalisation Sophie Pierre, réalisation Sophie Haute-Picon. Dans quelques minutes, on reprend la discussion sur Charlotte Picard et sur le naufrage de la Méduse avec mon invitée Marie-Ève Stenhuy. Autant on emporte l'histoire sur France Inter. Licolo de Cococo sur France Inter dans Le Temps N'importe l'Histoire. L'émission est réalisée par Juliette Gou, assistée d'Emmanuel Fournier. Programmation musicale Thierry Dupin, à la technique Elisabeth Collet. Marie-Ève Stenuy, nous avons donc quitté Charlotte Picard. C'était le 13 juillet 1816, au moment donc où, après 11 jours, après l'échouage de la Méduse, elle arrive enfin à Saint-Louis, au Sénégal. Elle est sauvée, elle et sa famille. Mais combien ce naufrage a-t-il fait de victimes, on le sait? Il y a eu environ 150 victimes, 147 sur le radeau, et 3 ou 4 marins qui étaient restés sur la Méduse, qui ont refusé d'embarquer. Et quand l'Argus a fini par rejoindre l'épave, il ne restait plus que 3 personnes. Les autres avaient finalement craqué, si on peut dire, et s'étaient jetés à l'eau, certains accrochés à des cageots de poules pour essayer de rejoindre terre. S'ils étaient restés à bord, ils auraient été sauvés. Ouais, il y a eu des scènes de folie quand même dans toute cette histoire. En effet, et elles sont dues aux effets de la faim et de la soif, qui ont été particulièrement importants sur le radeau, où toutes ces personnes étaient embarquées sans vivres, ou avec très très peu de vivres, et comme unique boisson de l'alcool. Et un des témoignages que nous connaissons du calvaire des naufragés du radeau nous est donné par un chirurgien qui s'appelle Savigny et qui en a fait le sujet de sa thèse de médecine deux ans plus tard. Quel parcours, hein ? Il a non seulement observé tous ces effets, mais en plus il les a également vécus personnellement. Donc c'est le délire, c'est l'agressivité bien sûr, puisqu'on a envie de survivre, de véritables hallucinations. Certains passagers tout d'un coup pensaient voir la terre et descendaient du radeau en pensant qu'ils étaient sur une plage, ou se mettaient à parler à des parents qui n'étaient pas là. Savigny raconte une anecdote assez amusante où un des officiers dit à tout le monde « Ne vous inquiétez pas, on va être sauvés, je viens d'envoyer un message pour dire où nous étions, les secours vont arriver. » Et bon, ce qui est moins drôle et moins absurde et beaucoup plus dramatique et a contribué au nombre de victimes sur le radeau, ce sont bien sûr les scènes de bataille, de grande violence, de grande violence où on s'entretue, où on se pousse, pas toujours d'une façon consciente. Pour en revenir au naufrage lui-même, donc le naufrage de la Méduse, du navire, est-ce qu'on a une idée précise aujourd'hui des causes de ce naufrage? C'est tout simplement l'incompétence totale du capitaine. Ce naufrage n'aurait jamais dû. Oui, parce qu'il faisait assez beau, la mer était belle. Simplement, le commandant Chaumaret a voulu être le premier à arriver à la colonie, sans doute poussé peut-être par le gouverneur Schmalz qui était à bord. Et c'est tout à fait contraire aux ordres qu'il avait reçus. L'escadre était censée arriver tous ensemble. Rappelons peut-être le but du voyage de la Méduse. On est en 1816, donc au début de la Restauration. Et la mission de la Méduse est d'emmener le gouverneur et des troupes armées pour reprendre possession de la colonie du Sénégal qui était tombée aux mains des Anglais pendant l'époque de l'Empire napoléonienne. Oui. Voilà. Et après les termes du traité de Paris, la colonie doit revenir aux Français. C'est pour ça qu'on a un contingent militaire également à bord. Oui, donc l'incompétence du capitaine de Chaumaret, manque d'expérience, un officier de l'ancien régime qui n'a pas navigué depuis 20 ans. Donc on décide la construction d'un radeau. Donc ce radeau, à quoi ressemble-t-il? Je crois qu'on aura fait une reconstitution de ce radeau il n'y a pas très longtemps à Rochefort. Alors il mesure 20 mètres sur 12, mais 12 étant la mesure extérieure total. En réalité, la plateforme sur laquelle les gens peuvent se tenir ne mesure que 7 mètres de large, 20 mètres sur 7. On y a embarqué un peu moins de 150 personnes. Ça fait à peine ou un peu moins d'un mètre carré. Oui, il n'y a aucun garde-fou sur les côtés. Donc les personnes qui sont installées sur les bords de ce radeau n'ont aucune chance de survivre. Non, il est simplement possible de se tenir quelques heures debout tous ensemble sur un tel radeau qui plus est extrêmement lourd. Donc déjà, sans être chargé, il s'enfonce un petit peu dans l'eau. Et au fur et à mesure qu'on a fait descendre les gens se trouvaient là avec de l'eau jusqu'aux mollets, jusqu'aux genoux. Il était impossible de s'asseoir. Et bien sûr, à la première vaguelette ou au premier mouvement du radeau lui-même, les gens tombaient à l'eau puisqu'il n'y avait aucun bastingage. Et les gens donc sont contraints, ceux qui montent sur ce radeau sont contraints de le faire sous la menace d'une arme. Et évidemment, ce n'est pas ceux qui ont conçu ce radeau qui montent dessus, mais bien les sans-grades, bien les soldats. Personne n'est volontaire pour embarquer sur pareille machine. Après la première nuit, il manquait déjà 60 personnes. Sur le radeau. Donc le radeau part à la dérive, sans aucun moyen de commander donc l'embarcation. Il ne sera secouru que 13 jours plus tard. C'est une véritable tragédie qui se passe sur ce radeau. Donc vous l'avez dit, des violences, des rixes, des disputes, des hallucinations, mais aussi des scènes d'anthropophagie. Ils n'ont finalement que les cadavres pour se nourrir, au bout de 3 jours, je crois. Oui, à partir d'un certain moment, quand il n'y a vraiment plus rien à manger... Mais c'est à ça qu'on en vient. Au lieu de jeter les cadavres et les voir dévorés par les requins, on se dit que c'est pas nouveau. C'est pas nouveau et ça n'est pas unique dans le cas du radeau de la Méduse. Des cas d'anthropophagie, il y en a dans énormément de naufrages. Et ça n'est même pas jugé comme condamnable à l'époque. Pourtant, la nouvelle du naufrage de la Méduse va arriver relativement vite en France. Le rapport du chirurgien Savigny va tout de suite être repris dans la presse et cette histoire va faire scandale en France. On parle d'un scandale politique. Même comment le pouvoir réagit-il? Est-ce qu'il y a un procès qui est organisé justement pour désigner les responsables? Oui, bien sûr. Chaumaret va être rapatrié par le premier bateau qui retourne en Europe. Et il est certain que ce récit de Savigny que vous évoquez, qui n'a pas été le seul à écrire, il y avait également un géographe à bord qui s'appelle Alexandre Coréard. Et eux sont évidemment très très très critiques envers Chaumaret et envers Schmalz. Ils ont vécu le pire. Et il faut remettre les choses à nouveau dans le contexte politique, donc fin de l'Empire, début de la Restauration, et la nomination de Chaumaret est un exemple de népotisme flagrant. Il est incompétent. 20 ans. Mais va-t-il être puni? Va-t-il être condamné? Bien sûr. C'était pas possible de faire autrement. En même temps, c'était très gênant parce que c'est d'une part reconnaître l'échec de la Restauration. Si on veut symboliser et représenter un petit peu ça, hein. On met tout d'un coup un officier royaliste, tout devrait aller mieux, et puis c'est la catastrophe humaine et maritime en même temps, et politique, parce que la reprise de la colonie ne va pas bien se passer non plus, mais ça c'est un autre sujet. Donc on ne peut pas ne pas faire de procès. Donc il a été jugé à Rochefort même, donc là d'où est partie l'escadre. Il a été condamné finalement à une peine qui n'est pas très lourde. On lui a bien sûr retiré tous ses titres de commandant, rayé de tous les cadres de la marine. Et il a été condamné à 3 années de prison. Il faut dire que ça a été aussi un scandale. Et d'autant que les juges qui étaient nommés pour ce procès sont tous aussi des royalistes, ce sont ses pairs. Il y a un comte, 2 chevaliers, un marquis, donc c'est un peu la même clique. C'est une justice de classe, on peut le dire. C'est très mal passé aussi. Ouais. Et d'ailleurs, Coréard, par la suite, a écrit un véritable réquisitoire qui a également eu beaucoup d'écho dans la presse. En 1819, le peintre Géricault va présenter son tableau, Le radeau de la Méduse, à Paris, dans les salons, et un tableau qui va beaucoup impressionner à l'époque. Ce tableau, on voit les 15 survivants du radeau, sur le radeau, évidemment, c'est une composition extrêmement saisissante, un peu comme une descente de croix, hein, sauf qu'il s'agit de l'image du peuple. Voilà, il y a un homme noir, sans doute, qui agite une sorte de drapeau rouge, puisqu'il voit l'Argus qui vient les sauver. On arrive on est à la fin de l'épopée du radeau. Est-ce qu'il faut voir dans ce tableau une critique de la Restauration et un appel à une sorte de révolution, peut-être celle de 1830 ou celle de 1848 plus tard? C'est un tableau qui est rempli de symboles. Ce n'est pas pour rien que c'est un personnage noir qui se tient au-dessus de tous les autres et qui agite un drapeau de couleur rouge. Et le fait que le personnage soit noir, c'est une allusion à l'interdiction de l'esclavage qui est censée être active et qui ne l'est pas du tout. C'est en même temps la lutte des classes. Et bien sûr, il y a un caractère extrêmement, extrêmement dramatique et très, très réaliste. Votre livre, Marie-Ève Stenhuy, est consacré aux femmes dans les naufrages. On sait que, bon, l'adage « les femmes et les enfants d'abord » n'a pas toujours été respecté dans l'histoire de la marine. D'ailleurs, c'était le cas un petit peu dans ce naufrage de la Méduse. Mais que va-t-il arriver à Charlotte Picard? On l'a quittée donc au Sénégal. Que va-t-il lui arriver brièvement? Elle n'est pas à la fin de ses aventures, hein, de ses mésaventures, bien au contraire. Ça va être une catastrophe totale. D'abord, son père va... C'est tellement opposé gouverneur qu'il va démissionner ou être viré de son poste de greffier notaire. Il va essayer de se lancer dans les plantations. Ça ne va pas marcher du tout. Toute la famille va travailler la terre eux-mêmes parce qu'ils n'ont plus d'argent. Et à peu près toute la famille de Charlotte va mourir des fièvres, de faim. Et il y a qu'elle et sa jeune sœur qui vont s'en sortir. Elles vont toutes les deux faire un mariage sur place et rentrer en France. Merci beaucoup Marie-Ève Stenhuy. Je renvoie à la lecture de votre livre passionnant « Une femme à la mer, aventure de femme naufragée » aux éditions du Trésor. À lire également le livre passionnant de Jacques-Olivier Boudon « Les naufragés de la Méduse » édité chez Belin. Autant n'importe l'histoire est terminée pour ce soir. Vous pouvez réécouter ou podcaster cette émission sur le site franceinter.fr où j'attends vos commentaires, ainsi que sur la page Facebook de l'émission. Dimanche prochain, nous partirons dans les années 30 sur les pas d'une femme oubliée et pourtant étonnante, pour ne pas dire incroyable, Marga d'Endurin, une bourgeoise française en mal d'aventure qui en 1933 décida de se rendre en Arabie Saoudite à la Mecque, lieu de pèlerinage interdit aux non-musulmans, mais ce n'est pas cela qui lui faisait peur. Marga d'Endurin, la comtesse qui voulait voir la Mecque, c'est dimanche prochain dans Autant n'importe l'histoire. Mais bien sûr, dans quelques minutes après le flash, vous avez rendez-vous avec Soro Solo dans l'Afrique en solo. Très bonne soirée sur France Inter.